bougez-vous. Restez pas collé à la brique. Faut faire du fric, faut se mettre à l'abri. Faut se mettre à l'abri en mode intelligence. Les mecs, les camions Brinks ne sont pas des diligences. J'ai débarqué dans le 7-8 pour mes 16 bougies. Dehors impose-toi si tu veux pas que tes fesses rougissent. C'est pour des vestes ou des ex que les mecs bousillent. Ne prends pas trop tes aises du genre putain t'es fraîche cousine. Ok ok ex cousine. J'apprends le respect, la tolérance. Même si les grands de mon quartier ne tiennent pas que des propos cohérents. J'apprends à jouer en équipe en restant discret. À partager les choses comme les sandwichs grecs. Parfois l'effectif diminue. Un pote me rencaisse, l'autre prend 2 ans pour une embrouille en moins de 10 minutes. En cas d'embrouille, on va en cours avec des sacs blindés de roches. T'as rien vu, rien entendu, si les ch'tards t'interrogent, ok. Les mecs, bougez-vous, restez pas collés à la brique. Faut faire du fric, faut se mettre à l'abri. Faut se mettre à l'abri en mode intelligence. Les mecs, les camions Brinks ne sont pas des diligences. Eh ouais, les mecs, bougez-vous, restez pas collés à la brique. Faut faire du fric, faut se mettre à l'abri. Faut se mettre à l'abri en mode intelligence. Les mecs, les camions Brinks ne sont pas des diligences. Eh ouais. Quand t'es en site et faut que tu bouges, on te dit tout le temps ça. Mais j'ai kiffé cette époque des brouillardises et foot en salle. Les flics fouillent mon sac de sport et les filles trouveront ça charmant. Même si sur mon visage blanc y'a des boutons sales. Mon cousin m'a dit tu t'éclates mais faut que tu sors d'ici. Tu parles, j'étais déjà dehors quand j'entendais un de mes potes qui siffle. Ma tante pour oublier ses soucis regardera Derrick. Le soir elle fera ses courses avec les bons d'achat de la mairie. Manque de cash. Et dans ce cas je décide de partir incompris. Comme si je pratiquais le langage des signes. Je suis parti discrètement, je versais de grandes larmes. Après avoir rencontré cette fille qui m'a fait prendre de l'art. Les mecs bougez-vous, restez pas collés à la brique. Faut faire du fric, faut se mettre à l'abri. Faut se mettre à l'abri en mode intelligence. Les mecs, les camions Brinks ne sont pas des diligences. Eh ouais. Les mecs bougez-vous, restez pas collés à la brique. Faut faire du fric, faut se mettre à l'abri. Faut se mettre à l'abri en mode intelligence. Les mecs, les camions Brinks ne sont pas des diligences. Faut se mettre à l'abri vite fait, lever des verres de chambre. On veut une vie saine, à part de caisse et paire de jantes. C'est une perte de temps, ce rap, faudrait que je change. Ma mère me dit continue, t'es heureux, elle préfère que je chante. J'inquiète pas les petits à la gare, je veux pas faire de ferme. Je pars en week-end à Malaga, voir des paires de fesses. Marre de voir mon compte en banque subir des pertes sèches. Marre d'être rayé de partout, marre de faire le zèbre. Les mecs bougez-vous, restez pas collés à la brique. Faut faire du fric, faut se mettre à l'abri. Faut se mettre à l'abri en mode intelligence. Les mecs, les camions Brinks ne sont pas des diligences. Eh ouais. Les mecs bougez-vous, restez pas collés à la brique. Faut faire du fric, faut se mettre à l'abri. Faut se mettre à l'abri en mode intelligence. Les mecs, les camions Brinks ne sont pas des diligences. Eh ouais.